Jules Vallès, Le Bachelier Géant. Chapitre 1. C'était le dernier jour de la fête à Montmartre. J'entendis un pitre enrhumé aboyer sur les tréteaux d'une baraque, en frappant du bout d'un jonc sale sur la poitrine d'un géant, peint à l'huile, autour duquel se pressaient, dans le tableau, des duchesses bleues et des diplomates cerises. J'entrais. J'entre toujours. J'ai eu de tout temps l'amour du monstre. Il est peu de têtes d'Aztèque ou d'hydrocéphale, de cyclope ou d'argus, plate ou carrée, en gourde ou en table de jeu, que je n'ai tâtée, mesurée, sur laquelle je n'ai fait toc-toc pour savoir ce qu'il y avait dedans. Je suis descendu jusqu'au nain, et j'ai fait le tour des colosses. J'ai serré dans mes bras des gens qui n'en avaient pas et d'autres qui en avaient trop. J'ai gagné au loto des hommes à pattes de homard, et j'ai fait retoucher, par des rapins de mes amis, des sauvages des mers du Sud. Non, que j'aime l'horrible! Mais je voulais savoir ce que Dieu avait laissé d'âme dans ces corps mal faits, ce qu'il pouvait tenir d'homme dans un monstre. Je me demandais comment vivaient ces exceptions étranges, ces vestales, mâles et femelles, de la difformité, et pour le savoir, que de fois j'ai remonté l'escalier vermoulu qui est à la queue des caravanes et qui me transportait en 6 marches de la vie réelle dans la vie affreuse, peuplée d'étonnements comiques et d'êtres sans nom. Le théâtre était pauvre ici. Il consistait en quelques planches posées sur des soliveaux pourris. Le vent faisait claquer les murs de toile et la pluie passait à travers le vélin taillé dans le ventre d'un vieux matelas. Mais les acteurs excitèrent au premier coup d'œil ma curiosité. Ils n'étaient que 3, cependant, qui arrivèrent à tour de rôle. Le pitre, qui, d'une voix grêle, chanta la belle bourbonnaise, se sonnait d'arverse de la banque. Une femme aux yeux doux, aux bras durs, qui fit voltiger dans ses mains encore blanches un essieu de charrette. Enfin, et pour avoir l'honneur de vous remercier, un géant. C'était un garçon superbe, de 32 à 35 ans, à la figure brune et triste, mais qui portait, non sans grâce, son uniforme de général. Il commença un boniment, nous raconta où il était né, puis tout d'un coup changeant de ton. « J'ai fait mes classes, dit-il, je parle 5 langues, je suis bachelier. » Il y eut un mouvement dans l'auditoire, composé de 7 ou 8 oisifs, ouvriers, militaires, bonnes d'enfants. Il continua. Si ces messieurs veulent bien me faire l'honneur de m'interroger, anglais, italien, grec, latin, français, je réponds dans toutes les langues. Et le pitre s'avançant alors sur la scène. Langue vivante, langue morte, allez-y, vous, là-bas, le monsieur au livre. C'était à moi que cette phrase s'adressait. J'avais je ne sais plus quel volume sous le bras. La foule me regardait en ricanant, et j'étais humilié par le géant. Ma curiosité et mon amour-propre s'en mêlèrent, et j'entamai un siège en règle contre le soi-disant bachelier. Des langues vivantes, je n'en parlais point. Les saltimbanques les apprennent en voyageant. Mais je le poussai sur les langues mortes, et je me retirai, je l'avoue, du combat, meurtri, vaincu. Il savait par cœur l'Énéide. Il aurait traduit Pindare à livre ouvert. Le public s'amusa beaucoup de ma confusion, donna ses 2 sous et sortit. Je restai. Le phénomène vint au-devant de mes questions et, descendant de son théâtre, après avoir accroché son claque à plumet tricolore à une patère, près du ciel. Vous vous demandez, monsieur, comment il se fait qu'on soit géant quand on est bachelier et qu'on sache si bien le grec dans une baraque. Vous cherchez quelle est cette histoire? Je vous la raconterai, si vous voulez. Venez ce soir, boulevard des Amandiers, à l'hôtel du Chien Savant. Attendez-moi dans le café d'en bas. À 11 heures, j'arriverai. La grosse caisse fit boum, boum, boum à ce moment. C'est la parade qui finit, dit le géant. Je vais remonter sur mon trône. À ce soir, donc, et surtout, ajouta-t-il tout bas, n'en parlez pas. Je remontai. Le pitre sur les tréteaux lutinait la femme Hercule. Et il l'embrassa tout d'un coup, presque sur la bouche, en faisant chanter ses lèvres. Alors, à travers la toile fendue, je vis se relever le rideau du théâtre, et le géant passer sa tête pâle comme celle d'un mort. J'allais le soir à l'hôtel du chien savant. Le géant ne se fit point attendre. Il avait troqué son chapeau à claques contre une casquette de velours usé et jeté un paletot déguenillé sur sa culotte rouge. « Montons, dit-il, si vous voulez. Ma chambre est en haut, sous les toits. Nous y serons plus seuls et je pourrai causer. » Je le suivis et nous entrâmes dans une chambre propre, au bout d'un escalier boueux, au 5e étage. Il se baissa pour passer sous la porte, se tint plié en deux jusqu'à ce qu'il fût assis, et il alluma la chandelle. Je jetai un coup d'œil autour de la chambre. Rien n'y sentait le saltimbanque. Sur les rayons d'une petite bibliothèque en bois blanc reposaient quelques livres sous tachés d'or, teintés de bleu ou ornés de palmes qui se croisaient, avec des rubans verts et roses pour marquer les pages. « Ce sont mes prix d'école et de collège, » dit le géant. « Voulez-vous voir mon diplôme ?» Il ouvrit un tiroir, mais en cherchant, il mit à jour un médaillon qu'il repoussa brusquement sous les papiers. Je ne pus voir quel était le visage, mais il avait deviné mon geste. « C'est elle, dit-il, la femme Hercule, celle de la baraque, que Bétinet embrassait si bien ce matin. » Et maintenant, voici mon histoire. Je vais vous la dire. Prenez, je vous en prie, vos aises. Et écoutez-moi jusqu'à ce que je vous ennuie. Cela me fera plaisir, d'ailleurs, de causer avec un homme qui n'a qu'une tête. Je portai machinalement ma main à cette tête pour voir si elle était seule. Le géant sourit et commença. Je vous dis, dans mon boniment, que je suis né sur le point le plus élevé des Alpes, d'un père nabot et d'une mère microscopique, que nous sommes sept dans la famille, et que je suis le plus petit des sept. La vérité est que je suis né dans la Corrèze, je n'ai pas de frères, et mes parents ne sont pas des monstres. J'ai fait mes classes au séminaire, passé mon baccalauréat à Toulouse, la circonscription de mon village. 8 jours avant de plonger la main dans le sac au numéro, j'avais signé, pour échapper à la caserne, un engagement universitaire de 10 ans. Je préférais être pion dans un collège que tambour-major dans une armée. Bien m'en avait pris, je tirais le numéro 11, dit les deux flûtes, ou les jambes de monsieur le maire, qu'on n'appelle plus maintenant dans la commune que les échasses du géant. Le lendemain même, je fus installé au collège où l'on me donna à faire l'étude des petits. Pauvres moutards, quand ils virent entrer dans la salle basse, empestée d'encre, ce grand diable qui n'en finissait plus, il y eut un frisson d'effroi. Ce fut l'affaire de quelques jours. À peine une semaine s'était écoulée que déjà il ne me craignait plus. Et, comme autorité, je n'allais pas, moi, le Goliath, au genou d'un maigre avorton qui n'avait pas 5 pieds, ne pesait pas 2 onces, et d'un geste faisait rentrer sous terre les révoltés. Ils se moquèrent tant de moi, mirent tant de crainte dans mon lit et de poids sur ma chaise, qu'on me tira de là pour me donner une classe à faire. C'était de l'avancement. Je le devais, comme cela arrive souvent, à mon incapacité et beaucoup aussi à la protection du vicaire général, qui me savait gré de n'avoir pas porté dans les ordres ma taille compromettante. J'aurais fait rire du bon Dieu en donnant la bénédiction. Et puis, je n'aurais pas tenu dans les confessionnaux. C'était à peine si je tenais dans le collège. Je me cognais la tête en entrant dans les classes, je crevais les plafonds, je heurtais les lampes, on ne voyait que moi dans les cérémonies. Le principal était jaloux. Je vivais pourtant assez heureux, trouvant moyen encore d'envoyer à ma mère quelques économies, me rendant utile, recroquevillé dans ma modestie. Quand les chefs venaient, je me baissais. Pour qu'ils n'eussent pas trop à lever la tête, je laissais traîner la mienne. Je me mettais en quatre, me pliais en deux. On se moquait de moi. Je laissais faire. Quand la plaisanterie était passée, je me relevais. J'étais censé n'avoir pas entendu de si haut. Les petits s'en donnaient à cœur joie. C'est comme cela partout, dans l'université, le gouvernement ou la banque. J'ai toujours vu les nains tourmenter les géants. Ces moqueries de collègues ou d'élèves ne me chagrinaient point, et parfois même m'amusaient. Mais quand, par hasard, quelque petite fille ou jeune femme me montrait du doigt en murmurant « Ils sont deux, son frère est dessous. » C'est un pari. Il est en bois. Jean la Raignoire. Ces mots comiques m'étouffaient. Mon cœur se serrait, et je l'ai toujours eu trop gros pour ma taille. Pourtant ma jeunesse criait dans mon corps si long. La solitude m'était lourde, la nuit je faisais des rêves d'amour. Mélancolique qui étouffait dans une peau d'Hercule. Il me vint une idée un jour. Je demandai en mariage la fille d'un collègue, chez qui l'on mangeait plus de pommes de terre bouillies que de rosbif, et les répétitions s'y payaient en fromage. J'avais mis un pantalon assez long et apporté le compte de mes économies. La jeune fille me rit au nez et je sortis à reculons en laissant de mes cheveux au plafond et sur le dessus des portes. C'était la première démarche, ce fut la dernière, et je rentrai silencieux dans mon obscurité. Il m'arriva quelques épîtres, des lettres qui sentaient l'ambre gris me donnèrent des rendez-vous. J'y allais, tremblant, j'en revins honteux. On m'appelait comme on appelle un monstre, on voulait voir comment était fait un géant. Une ou deux fois on me rappela, je n'y retournai point, et j'attendis qu'un accident me diminuât ou que je fusse voûté par le chagrin. Ah, bien des fois, quand je faisais prendre l'air à mes 6 pieds 5 pouces, le soir sous les vieux marronniers, l'homme parlait, le géant faisait relâche, et, redressant ma grande taille, je levais les bras au ciel. Mon ombre se détachait, immense, au rayon de la lune sur le sable jaune, et allait faire peur au couple qui parlait bas sous les grands arbres. Les sentinelles s'arrêtaient dans leur promenade nocturne et disaient « C'est le tambour-major qui a bu !» Pauvre tambour-major ! On prenait mes blasphèmes pour ses jurons, et mes folies pour ses ivresses. Il dit un jour à la cantine qu'il allait me défendre de me promener et qu'il ne voulait pas passer pour un pochard parce que j'étais un imbécile. Mon existence s'écoulait ainsi. Il y avait des soirs de résignation et des soirs de tristesse. C'est par un de ceux-là que j'entendis un grand bruit dans la rue et que je mis ma tête à la fenêtre. À ce moment aussi, Dieu décida de ma vie. A-t-il été cruel ou bon? Je ne sais. Je dois à ce hasard de n'être plus un homme, mais une curiosité. Certes, c'est triste, mais si j'ai eu de terribles souffrances, j'ai eu aussi des moments heureux, et tout monstre que je suis, je ne donnerai pas mes douleurs pour les bonheurs des autres. C'était une troupe de saltimbanques qui faisait le tour de la ville, annonçant à son de trombone et de caisse qu'il donnerait le lendemain et les jours suivants des représentations sur la grande place du marché. 3 Allemands aux lèvres bouffies, aux yeux doux, en redingote olive et en casquette verte, soufflaient en balançant la tête dans le cuivre et le bois. Mais tout à coup, tous s'en mêlèrent. La petite caisse battit au champ, les cymbales faillirent se fendre, la clarinette mordit jusqu'au sang le nez de son instrument, le trombone jeta au vent du jour des couacs sauvages. La directrice de la troupe parut. Elle acheva le boniment du paillasse. Le paillasse était autrefois une sorte de clown dans les théâtres forains, un bateleur. Fit l'éloge de toute sa troupe, la troupe de Madame Rosita Ferrani, et promit qu'elle ferait tous ses efforts pour mériter les applaudissements du public. Je l'écoutais plus étonné qu'ému. Mais quand son discours finit, elle se mit à danser, en s'accompagnant des castagnettes, la taille prise dans son spencer de velours noir collant, les seins gonflés et les bras nus, sourire aux lèvres, cheveux au vent, mon sang ne fit qu'un tour. Il courut jusque mon front une bouffée d'air chaud, ma poitrine s'élargit, et tout mon être tressaillit dans sa longueur, devant cette statue vivante de la volupté et de la jeunesse. Je voyais passer luire, comme en un tourbillon, le jupon étoile d'argent, le diadème aux perles bleues, les rubans verts, l'écharpe rouge. Et mon cœur battait au bruit que faisaient à ses poignets blancs les grelots de ses bracelets. Enfin, elle s'arrêta, haletante et superbe, la chair jaillissant du maillot, faisant craquer le bas et le corsage, le buste flottant sur la hanche en relief, et pâle, d'une pâleur douce faite de fatigue et d'orgueil. Distraite, elle arrêta ses yeux sur moi et considéra mes 6 pieds 5 pouces d'un air étonné. Je détournai mon regard du sien et je m'éloignai, tandis qu'elle montrait à son pitre et à ses musiciens ce grand fantôme qui fuyait. Mais le lendemain, j'étais là, quand, avant la caisse du soir, la représentation commença. Je revins le surlendemain et les jours suivants, et chaque fois elle me regardait. Chaque fois je disparaissais, honteux et plus malade, faisant crier le groupe que je dérangeais en partant. J'allais rôder dans la campagne, ma classe finie, et j'avais la fièvre dans le cœur et le feu dans la tête. On dit pourtant qu'il fait frais sur les cimes. Le hasard s'en mêla. Peut-être dois-je dire que je l'aidais un peu. Un jour, après la retraite battue, je me trouvais, au détour d'un vieux mur, en face d'une grande voiture peinte en jaune. C'était la maison des saltimbanques. On avait vu ma tête par-dessus le mur, et Fouillopo, le paillasse, avait averti Rosita. Je diminuais d'un pied en la voyant tout d'un coup en face de moi, et je devins rouge comme le caleçon du pitre. J'étais venu là, poussé par le désir aveugle, n'ayant pas conscience de ce que je faisais, sans avoir préparé une entrée, une excuse, et je ne savais plus comment expliquer ma présence, si je devais rester ou fuir. Mais elle, souriante, combla l'abîme, me reconnut. Fouillopo jeta, comme un pont, un calembour salé, la glace se fondit et nous parlâmes. J'en vantais que j'avais un livre à faire sur les saltimbanques. J'ajoutais que, grâce à ma taille, j'étais un peu des leurs, et que tous ceux qui avaient traversé la ville avaient eu ma visite dans la coulisse, que je voulais mettre aussi la troupe Rosita dans mes mystères de la baraque. J'étais un curieux et un phénomène. On sourit. Fouillopo me mesura, et Rosita me fit voir, dans un petit journal illustré d'une grande ville du Midi, son portrait avec un bout de biographie. En lisant son éloge fait par un autre, je fus jaloux. Je promis que je reviendrais, et en effet, tous les soirs, quand le soleil était tombé, je me glissais du côté du chemin vert, où était la caravane, et sous prétexte d'histoires comiques à écouter et de notes à prendre, je restais là. Rosita venait, toujours coquette, ayant gardé de son costume de Zingara un bijou faux, une fleur fanée et un bout d'écharpe. Elle racontait ses voyages, je disais mes misères. Je lui apportais des vers, quelquefois. Elle y mettait un air, les chantait en dansant. Quand elle avait fini, retombant, essoufflée dans mes bras, puis m'échappant, joyeuse. Je n'osais la poursuivre, et mon corps immense se débattait dans l'angoisse du désir. Mais jamais, alors même qu'elle irritait mon amour par ses familiarités terribles et ses caresses de hasard, elle ne laissait supposer qu'elle eût compris, et elle éteignait l'incendie dans un éclat de rire. Quelle était-elle, cette femme à la voix tendre et aux yeux doux, qui vivait la vie d'aventure par les grands chemins, en compagnie de paillasses obscènes, de lutteurs et médécatins, et qui poussait devant elle, sans broncher, ce troupeau d'hommes et de monstres? Elle était veuve, me dit-elle. Son mari, un Alcide du Nord, s'était tué dans un exercice 3 mois avant, dans un village de Hollande. Elle avait ramassé les débris de sa mince fortune et organisé la troupe qu'elle avait composée d'un cheval savant, du paillasse Fouillopo, un vieil ami de son mari, et d'un homme serpent qui se disloquait. Elle dansait, soulevait les poids, jouait la pantomime et se désossait au besoin. Elle prétendait n'être entrée qu'à 20 ans dans la banque, parce que l'ouvrage, ils étaient canuts de Lyon, leur avait manqué, et que le mari avait trouvé du pain en soulevant du fer. Il avait emprunté un essieu, pris dans un chantier une pierre, et après avoir obtenu la permission, il était venu sur la place jongler avec les quintaux. On ne s'était plus couché le ventre vide, et puisque le travail honnête avait trahi leur force, ils demandaient à ce travail sans nom de quoi vivre. La banque était plus généreuse que l'atelier. Voilà tout ce que je savais de sa vie et tout ce qu'elle voulut m'en conter. Peu importait, hélas. Il y eût eu à son front ou ses mains de la boue ou du sang, je l'aurais peut-être insultée, méprisée, maudite. Mais je l'aimais et je lui aurais tout pardonné. J'aimais cette voix restée pure et ses yeux restés tendres dans cette atmosphère viciée et ses semblants de naïveté sous ses oripeaux de saltimbanque. J'adorais sa naïveté ou son hypocrisie. Le contraste était singulier. Je crus avoir affaire à une Marion Delorme ou une Manon Lescaut, et je logeais dans cette poitrine d'aventurière, sous ce maillot jaune, un cœur de femme aimante que je voulus faire battre à mon profit, sans songer que, sur ce chemin, après avoir été Didier, on peut devenir des grilleux. Elle est moins rare pourtant qu'on ne pense cette honnêteté des femmes dans les baraques, sur les champs de foire. Ce qui me séduisit chez Rosita, je le rencontrai 20 fois sur mon chemin. C'est un préjugé qui voue à la corde et au vice cette famille de voyageurs. Ils subissent le sort éternel des vagabonds dans l'histoire du monde. On accuse toujours du crime ceux qui sont passés. Mais dans le monde des saltimbanques, on est vertueux comme ailleurs. Et croyez-moi, j'ai vu des femmes qui, sur la place, faisaient le grand écart, n'en pas commettre le plus mince dans la coulisse, et être des prodiges de pudeur dans la vie privée. Toujours est-il que Rosita ne semblait point comprendre, et moi je n'osais avouer. Cependant, je maigrissais à vue d'œil. Mes yeux, où montait le sang, luisaient sous mon front pâle, comme au bout de la gaule immense des allumeurs, la flamme rouge de la lanterne, et avec mes habits flottant sur mon corps lâche, j'avais l'air, dans la plaine, le soir, d'un épouvantail pour les oiseaux qu'emportaient des voleurs de nuit. L'initiative de Fouillopo mit fin à cette situation pénible. Il osa brusquer le dénouement par une plaisanterie téméraire. Je me trouvai un jour sur la place pendant la représentation. C'était le tour du cheval savant. Il avait compté jusqu'à 10, marqué l'heure, dit oui au morceau de sucre et non au coup de bâton. « Et maintenant, mon petit cheval, cria Fouillopo, voudriez-vous nous dire quel est le plus ivrogne de la société ?» Le cheval fit 2 ou 3 fois le tour du cercle, et après quelques hésitations, se planta devant un homme au nez rouge et praliné. Et tous de rire, l'homme au nez rouge le premier. « Le plus amoureux maintenant ?» fit Fouillopo en regardant de côté Rosita, qui pâlit. « Et moi, je me sentis pâlir aussi. » 2 fois le cheval hésita, une fois de mon côté, une autre fois encore. J'eus le frisson. Au dernier tour, il s'arrêta net devant moi. Je cherchais des yeux Rosita. Elle se cachait et je restais là, cloué sur le sol, rouge jusqu'aux oreilles et tremblant de la tête aux pieds. Ce fut le signal des rires. On me jeta des pommes, je fus hué. Et sans Fouillopo, qui répara son crime en allant tirer la queue d'un chien égaré dans le rond, j'y serai encore. La foule m'oublia pour rire du chien et je partis, doublant le pas. On va vite avec mes jambes. Je fus bientôt chez moi. À peine arrivé, je fondis en larmes. Je pleurais comme un nain. J'avais mes 2 grandes mains toutes mouillées et je ne pouvais plus voir mes yeux dans mon miroir cassé. Je me mis à une fenêtre qu'on n'ouvrait pas et qui donnait sur le cimetière, et je laissais le vent qui passait par-dessus les cyprès sécher mon visage et baigner de fraîcheur mes cheveux. Je restai longtemps ainsi, accoudé, à boire un plein poumon l'air du soir. Ce déluge de larmes avait comme noyé ma mémoire. À peine flottait au-dessus le souvenir des émotions tristes de la journée. Il se faisait tard. L'allumeur de réverbère avait passé depuis longtemps. Mes voisins, des ouvriers sans femme ni famille, étaient rentrés. Je m'étendis moi-même sur mon lit et m'assoupis dans la douleur et la fatigue. Je fus réveillé brusquement de ce sommeil pénible par un coup frappé à ma porte. « Qui est là ? » demandai-je tout étonné. On ne répondit pas. Je renouvelai ma question. Même silence. Une idée me vint, mon sang afflua au cœur et en tâtonnant j'ouvris la porte. On la referma. « C'est moi ? » dit une voix qui me fit tressaillir. « Vous ? Je vous ai vu pleurer de là-bas. Prenez garde, j'ai mon collier à grelots. » Le lendemain, je ne fis pas ma classe et Rosita ne joua point. Elle passa la journée à demander pardon pour Fouillopo et quand elle partit, je vidai mon sucrier dans ses poches. « Pour le petit cheval, » lui fis-je en souriant. « Garde le collier, » dit-elle. Et le géant, tapant sur un coin de la commode, me dit « Il est là !» Puis il reprit. Rosita revint plusieurs fois. J'allais moi-même dans la baraque. Je passai la nuit là, sous ce toit de planches, dans cette voiture où avait gémi, grogné, un peuple de monstres. Il me semblait quelquefois, dans le silence, entendre les hurlements des hôtes d'autrefois, hommes ou bêtes. Mais rien ne criait plus haut, ne hurlait plus triste que ma sauvage jalousie. Elle en avait tant aimé d'autres avant moi. Et quand elle m'embrassait, moi, géant, c'était peut-être à un géant mort qu'elle songeait, la Zingara. Qui sait? Elle avait été peut-être la maîtresse d'exception affreuse. Elle avait appuyé sur son cœur des têtes qui n'avaient rien d'humain. Tant mieux. Je préférais, dans mes retours sombres vers le passé, lui croire pour amant des gens au corps horrible. Que pensait qu'elle avait dans cette voiture où l'on se touche, dans ce métier où l'on se tutoie, livrer sa beauté à des hommes dont le souvenir ne fut pas mort, dont je n'aurais pas étouffé l'image. Je lui parlais quelquefois de mes craintes, elle se jetait à mon cou et se mettait à rire. Cependant, mes habitudes avaient changé. Au collège, on s'en aperçut. Pour comble de malheur, nous fûmes rencontrés un soir dans la campagne et reconnus. Le bruit courut la ville, on amplifia, la fantaisie alla son train, on dit qu'on m'avait aperçu vêtu en saltimbanque, soulevant des poids, demandant la patte à des veaux à deux têtes. Les élèves me dessinèrent sur le tableau, en sauvage, habillé de plumes, avec Rosita près de moi. Le principal me fit appeler et m'avertit que j'eusse à faire cesser ces bruits par un changement d'habitude radical et public, ou bien on me demandait ma démission. Je sortis de chez lui bouleversé, ahuri. La menace qu'il avait proférée me faisait ouvrir les yeux sur ma situation, la folie de ma conduite m'apparut, et j'entrevis le gouffre à mes pieds. Je devais, le soir, aller coucher dans la caravane. Je n'y allais point. Le lendemain, on frappa à ma porte. Je reconnus le signal de Rosita. Je ne lui ouvris pas. Elle partit. Je passai 2 jours sans la voir, craignant les premières heures d'avoir de ses nouvelles, me jurant que c'était fini. Le second jour, attendant à chaque minute qu'elle arriva, comptant les secondes, brûlé par la fièvre, désespéré, jaloux, malheureux, je n'eus pas le courage de lutter encore, et je courus presque en plein jour à la caravane. Elle fit l'étonnée, me demanda si j'étais fou. « Oui ! » lui criai-je en me jetant à ses genoux. Elle me releva avec un geste plein de pitié et rentra dans la voiture en fermant la porte sur elle. Je frappai, elle ne répondit pas. « M'avez-vous ouvert ? » disait-elle à travers la petite fenêtre au volet vert. J'allais pleurer dans les bras mous du disloqué. Je voulus acheter fouille au pot. Je fis des bassesses. Je fus lâche. Enfin, on me pardonna et je montai. Quand je sortis le lendemain, j'étais perdu. Elle m'avait traité de haut. J'avais prié, tout était dit. Et je portais ma chaîne au cou, aussi solide et courte que celle qui attachait le chien entre les roues. « Nous partons dimanche, » m'avait-elle dit en se levant. « Partir ? Mais moi, qu'allais-je faire ? » « Rester et en prendre une autre, à moins, » ajouta-t-elle en riant, « que tu veuilles nous suivre. » Je ne répondis pas. Mais 2 jours après, j'aidais Fouillopo à serrer les malles, et, pour démarrer la caravane embourbée, je me meurtrissais l'épaule contre l'essieu. À minuit, ce soir-là, c'est moi qui tenais le fouet, et sur la grande route éclairée par la lune, conduisais la caravane.